c'est le mec tout. À l'époque on guettait, maintenant on veut le million, c'est le mec tout. J'connais bien le quartier, les folles, le réseau, ouais j'ai fait le tour. On a perdu des soldats, gros, on n'y peut rien, ça c'est le mec tout. On est que de passage, j'ai des bonnes sutures au niveau de mon cœur. J'étais dégoûté, frère, envoie les massas. Tout ça, je tourne en rond, ouais, y'a tout qui m'écœure. On traînait dans les bars, on se prenait pour le parrain. À minuit, il faisait tard, fallait rentrer pour la dare. On traînait dans les bars, on se prenait pour le parrain. À minuit, il faisait tard, fallait que je rentre pour la dare. Je rentre dans l'oc, on pégait le frère, il me manque. C'est le mec tout. À l'époque on guettait, maintenant on veut le million, c'est le mec tout. J'connais bien le quartier, les folles, le réseau, ouais j'ai fait le tour. On a perdu des soldats, gros, on n'y peut rien, ça c'est le mec tout. C'est de la bonne meuf, c'est pas le Marocco. Ou te l'appelle pas, elle a trop la boco. La zik ta ça, je suis pas sur loco. Y'a tic sa hack, elle attendonne beaucoup. Reste tranquille, je connais pas sa pinco. Là, je me cherche sur votre 4 pico. On traînait dans les bars, on se prenait pour le parrain. À minuit, il faisait tard, fallait rentrer pour la daronne. On traînait dans les bars, on se prenait pour le parrain. Dans l'oc, on pégait le frère, il me manque pour toi, c'est le mec tout. À l'époque, on guettait, maintenant on veut le million, c'est le mec tout. J'connais bien le quartier, les folles, le réseau, ouais, j'ai fait le tour. On a perdu des soldats, gros, on n'y peut rien, ça c'est le mec tout.